الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اطلع النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحاب الكرام يقول حذيفة ابن أسيد ونحن نتذاكر فقال صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة نذكر الساعة فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم إنها لن تقوم حتى تروا حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف وثلاثة خسوف خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب وآخر ذلك نارا ذكر نارا صلى الله عليه وسلم تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم وفي روايات غير هذا الترتيب صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك أيها المؤمنون أن العلامة الأولى إذا خرجت تتابعت الأخرى أيها المؤمنون فمن تلكم العلامات أي من علامات الساعة الكبرى خسوف ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه فمن علامات الساعة الكبرى الدخان قال الله سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين أو أن المؤمن يأخذ منه كالزكمة وغير المؤمنين تكون عليهم شديدة جدا ومن علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإننا نجد في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والمراد طلوع الشمس من مغربها لما روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. فحينئذ لا تقبل توبة تائب لا من فاسق ولا من كافر عياذا بالله. ومن علامات الساعة الكبرى أيها المؤمنون خروج دابة من الأرض لقوله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالذي ثبت من هذه الآية أن دابة تخرج من الأرض وأنها تكلم الناس آمنا بذلك. وآخر هذه العلامات الكبرى النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها الشام عند مسلم رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بريء وعلى بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، أو تبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فهذه النار تجمع الناس بأرض المحشر وهي الشام كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حينئذ يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فيبقى شرار الناس وعليهم تقام الساعة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه ندي un jour alors lors d'un rappel parmi les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu et il dit à ses compagnons: quel est donc l'objet de votre rappel, le sujet de votre rappel? Et eux de répondre: radiallahu anhum, nous nous rappelons l'heure de la fin du monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: elle ne retentira pas si ce n'est après 10 signes. Ces 10 signes sont les 10 grands signes de la fin du monde. Il a mentionné Ad-Dukhan, une fumée. Il a mentionné Ad-Dajjal, le faux messie. Ad-Dabba, la bête. Tulu'u Shams, min maghribiha, le soleil se lèvera de son couchant. ونزول عيسى بن مريم la descente de Isa, le fils de Maryam. Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Thalathatu Khusuf, il a mentionné trois engloutissements de la terre. Khasfun bil Mashriq, wa Khasfun bil Maghrib, wa Khasfun bi Jazirat al Arab. Il y aura un engloutissement de la terre vers l'Occident, vers l'Orient et dans la péninsule arabique. Et le dernier de ces signes sera un feu qui sortira du Yémen et qui rassemblera les gens sur la terre du rassemblement avant l'heure de la fin du monde, avant que ne retentisse, que ne sonne la fin du monde, comme l'a rapporté l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Il y a d'autres versions du hadith qui ont mentionné un ordre différent. Mais ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est que ces signes sont véridiques, sont vérités, et ils arriveront. Et lorsque le premier de ces signes apparaîtra, les suivants suivront rapidement. Nous avons déjà mentionné lors d'une khutbah précédente certains de ces grands signes. Sachez mes chers frères que parmi les grands signes de la fin du monde, il y a donc trois engloutissements de la terre. La terre va avaler littéralement ce qu'il y a au-dessus d'elle. Il y en aura trois, comme cela a été mentionné par le prophète alayhi salatu wassalam, un à l'Orient, l'autre à l'Occident, et le troisième dans la péninsule arabique. Parmi les grands signes de la fin du monde, il y aura une fumée, comme cela a été mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, ou plutôt on trouve également dans le Coran, dans surat al-Dukhan, qu'Allah Azza wa Jal nous dit sur la traduction des sens de ces deux versets, « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de l'effet de cette fumée sur les gens. Quant aux croyants, elle aura tel l'effet d'un rhume, tel l'effet d'un rhume ou d'une allergie. Quant à ceux qui n'auront pas eu la foi, ça sera un châtiment douloureux. Parmi les grands signes de la fin du monde, le fait que le soleil se lèvera de son couchant. Chaque jour et chaque soir, nous observons ce grand signe d'Allah Azza wa Jal. Il se couche et il se lève. Il va se coucher sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Et que chaque jour, il reçoit la permission également de se lever. Mais viendra un jour, il n'obtiendra pas cette permission. Ainsi, il se lèvera de son couchant. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, selon la traduction du sens de ce verset, qu'attendent-ils que les anges leur viennent, que vienne ton Seigneur ou que viennent certains signes de ton Seigneur, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance, dit « Attendez, nous attendons aussi ». Il a été expliqué, le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué ce verset en disant que le sens de certains de ces signes, c'est-à-dire lorsque le soleil se lèvera de son couchant. À ce moment-là, sachez, chers frères, que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le repentir ne sera plus accepté, que la porte du repentir sera fermée. Ainsi, on s'encourage mutuellement à revenir vers Allah et à se repentir de tout péché avant que la porte du repentir ne se referme. Et cela lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Et cela lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Ce jour-là, tout le monde va croire. Ce jour-là, tout le monde va croire, mais la foi ne sera plus profitable, si ce n'est à ceux qui l'avaient eu auparavant. Parmi les grands signes de la fin du monde, la sortie d'une bête de la terre. Il y a une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne dans surat al-Naml, dans le verset dont la traduction des sens sont « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. » Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir une bête de la terre, et les informations que nous avons sur cette bête est qu'elle sortira de la terre, comme c'est mentionné dans le verset, et qu'elle parlera aux gens. Nous avons une foi ferme en cela, car c'est l'information d'Allah Azza wa Jal. Voici certains signes de la fin du monde. Aussi, il y aura en dernier signe, comme ça a été mentionné dans le hadith, précédemment cité le hadith de Hudhayfa ibn Usayd, un feu qui rassemblera les serviteurs d'Allah sur une seule et même place, la place du rassemblement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le dernier, c'est-à-dire le dernier de ces grands signes, sera un feu qui sortira du Yémen. Un feu qui sortira du Yémen et qui rassemblera les gens sur la terre du rassemblement. Et il a été affirmé dans le hadith de Abdullah ibn Omar que cette terre est Hachem, la région du Liban et ses alentours, du Liban, de la Syrie et de ses alentours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ce rassemblement. Et il nous indique que l'ensemble de ses serviteurs, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront rassemblés sur cette même terre au Sham. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala enverra un vent. Il enverra un vent qui sortira du Yémen, qui sera plus doux que la soie. Ça sera un vent de miséricorde, un vent de bonté. Et tout croyant qui sentira ce vent mourra. Tout croyant qui sentira ce vent-là mourra à cet instant. Celui qui aura dans le cœur le poids d'une petite fourmi de foi sentira cette odeur. C'est-à-dire tout croyant, tout musulman sentira cette odeur. Et à ce moment-là, il ne restera plus aucun croyant sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Les écritures du Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal dans les livres sera élevée. Il ne restera plus aucun croyant. Et à ce moment-là, comme nous le dit le prophète alayhi salat wa salam, fayabqa shirarun nas. Il ne restera que les pires des gens. Il n'y aura plus personne qui dira la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus personne qui fera le rappel d'Allah. Et cette terre sur laquelle nous vivons, les cieux qui nous couvrent, n'ont été créés que pour le rappel d'Allah, n'ont été créés que pour qu'on unifie Allah d'un culte sincère, qu'on l'adore seul d'un culte sincère, que la parole d'Allah Azza wa Jal soit élevée. À ce moment-là, il ne restera plus personne qui adorera Allah seul d'un culte sincère. Les gens seront plongés dans le polythéisme, et ça n'est que sur ces gens-là que retentira l'heure de la fin du monde. Et probablement qu'on se demande, comment aura lieu la fin du monde et que se passera-t-il? Comment est-ce que cette terre disparaîtra? Et cela, inshallah ta'ala, fera l'objet d'un futur prêche. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'inu. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اشف مرضانا أرض المسلمين, اشف مرضانا أرض المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. Pour finir, certaines personnes ont fêté leur fête. Et certains parmi les musulmans, soit par ignorance, pour la majeure partie d'entre eux, soit par suivi de passion, pour une minorité d'entre eux, Wallahu A'lam, se sont associés aux fêtes des non-musulmans. Il est à savoir que l'Eid a une forte notion religieuse. L'Eid, c'est quelque chose de légiféré. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné, nous les musulmans, quelles étaient nos fêtes. Eid al-Fitr, qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Eid al-Adha, le dixième jour de Dhul-Hijjah. Voici nos fêtes. Les fêtes desquelles nous sommes fiers. Celles que nous fêtons et à travers lesquelles nous nous rapprochons d'Allah. Quant à autre que ces deux fêtes, on ne s'y associe pas, on ne les célèbre pas, on ne les fête pas. Pourquoi ? Car elles ne sont pas des fêtes musulmanes, non légiférées par Allah, non mentionnées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal qui nous dit dans son livre « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya » Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ » Allah dans son livre nous ordonne de suivre ce qu'il nous a révélé et de ne suivre en dehors de lui aucun protecteur. Il nous ordonne de suivre ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit et de délaisser ce qu'il nous a proscrit. Ainsi, il n'est pas permis, il n'est pas légiféré en islam de fêter autre que les fêtes légiférées par Allah Azza wa Jal. Voici un rappel en espérant qu'il soit profitable aux croyants. Quant à ceux qui disent autre que ce qu'Allah nous a révélé dans le Coran, ou le prophète alayhi salatu wassalam dans la sunnah, ainsi que les compagnons, voici un égarement évident. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك